Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Attention, flash spécial Odyssée. Dans le cadre de nouvelles séries consacrées à l'écrivain français du 19e siècle, Jules Verne, certains de ses personnages ont demandé à prendre la parole. Messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous à nous dire, nous, humains du 21e siècle? Tout et rien. Enfin si. Excusez-moi, c'est l'émotion. On n'en peut plus. Il nous a épuisés, Jules Verne. Et vas-y que je t'envoie aux quatre coins du monde, et vas-y que je te colle face au danger. Oui, bien sûr, je comprends. Mais enfin, vous avez été parmi les premiers personnages à faire tout ça. Vous avez transformé le roman d'aventure. Oh, tout de même, ce devait être passionnant. C'est vrai. Mais on nous a oubliés. Tout le monde croit nous connaître, or personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Très bien, messieurs. Alors, par qui commençons-nous? Par moi! Je m'appelle Pierre Aronnax, et je suis professeur au Muséum de Paris. Mon aventure, Jules Verne l'a appelée « 20 000 lieues sous les mers ». En 1866, les habitants de la Terre tremblent de peur. Ah, c'est la bête! C'est la bête! Ah, ah, une mystérieuse créature parcourt les mers en semant le chaos partout où elle passe. Qu'est-ce donc que ce fantastique animal? Une baleine géante? Un kraken à la force colossale? Oh, appartient-il seulement à notre monde? Il faut agir! Le 3 juillet, le navire Abraham Lincoln quitte le port de New York avec une mission extrêmement claire. Neutraliser le monstre. Bah quoi? Vous trouvez que j'en fais trop? Mais enfin, l'heure est grave! Grave, grave, il n'y a que les notes de musique qui soient graves. Pierre Aronnax! Oh, sapristi! Vous faites partie de l'expédition! Eh oui, là! Il se trouve que je suis un grand spécialiste des animaux sous-marins. Si quelqu'un peut identifier cette étrange créature, c'est bien moi. Enfin, nous. Car je voyage comme toujours avec Conseil, mon secrétaire et ami. À la bonne heure! L'Abraham Lincoln file en direction de l'Atlantique Sud. Parmi ses passagers, on trouve un autre remarquable bonhomme. Ned Land, le plus célèbre harponneur de tous les temps. Ma spécialité? Chasser les grosses bébêtes sous-marines. 6 mois durant, l'équipage sillonne les mers. Aucune trace du redoutable monstre. Où se cache-t-il, ce drôle de diable? Enfin, le 5 novembre 1867, au large du Japon, on aperçoit une forme gigantesque briller sous la surface de l'eau. C'est notre animal! S'écrie aussitôt Aronnax. Oh, c'est incroyable! Toute cette lumière! Oh, on dirait une fête foraine! Mon Dieu! Il fonce sur nous! Vite, on tente de faire machine arrière. Trop tard! La créature percute le bateau. Aronnax est projeté par-dessus bord! Complètement sonné. Il perd rapidement connaissance. Lorsque le naufragé rouvre les yeux, il n'en croit pas ses mirettes. Conseil! Ned Land! Vous aussi vous avez survécu! Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mon cher professeur. Regardez un peu où nous avons atterri. Aronnax écarquille les pupilles. Ma parole. Nous sommes dans le ventre du monstre. Mais c'est une énorme machine de fer. Mon Dieu! Nous sommes dans un sous-marin. Bienvenue à bord du Nautilus, professeur Aronnax. Saperlipoète, encore un nouveau personnage? Je suis le capitaine Nemo, et j'ai l'honneur de commander cette taupe des mers. Aronnax, Conseil et Ned Land se regardent, interloqués. Oui, j'ai bien dit taupe des mers. Vous ne connaissez pas l'expression ? C'est pour désigner un sous-marin. Bon, bref. Cela fait des années que j'ai cessé d'avoir tout contact avec les humains. Aussi, j'ai beaucoup hésité avant de vous laisser la vie sauve. Mais à quoi bon vous zigouiller ? Vous êtes donc libre d'aller et venir à bord. En revanche, jamais vous ne pourrez quitter ce sous-marin. Vous nous retenez prisonniers ? C'est tout à fait exact. Mais vous ne perdez pas au change, croyez-moi. Vous allez découvrir ce qu'aucun homme, à part mes compagnons et moi, n'a encore jamais vu. Sur ce, bonne soirée. Qui est ce mystérieux capitaine ? Quel secret le pousse à se cacher au fond des océans ? Les jours suivants, Aronnax explore le Nautilus. Il découvre de véritables trésors. Immense, le sous-marin abrite de riches bibliothèques et puis des statues, des tableaux qui rendraient fous de jalousie les plus grands musées du monde. Et ce n'est pas tout. Le Nautilus est également un bijou technologique aussi rapide que l'éclair. Chacune de ces prodigieuses machines a été conçue par le capitaine Nemo. Leur puissance ? Les moteurs la tirent de celle de l'océan. L'électricité ? Elle est produite. Grâce au sel de la mer. Ah, Nemo, vous m'avez fait peur. La mer est le plus fabuleux des mondes. D'ailleurs, ça vous dirait une petite partie de chasse sous-marine ? Le temps d'enfiler leurs énormes scaphandres, Aronnax et Conseil suivent le capitaine, 50 mètres au-dessous de la mer, au beau milieu de l'océan Pacifique. Ici et là, des fleurs, des poissons aux couleurs multicolores caressent la pupille. C'est vert, bleu, orange ou encore violet. Les trois promeneurs traversent des prairies de varechs et d'immenses forêts d'algues qui, en dansant, en ondulant, tentent d'atteindre le ciel. Soudain, apparaissent deux énormes yeux surmontés de grosses papades ignobles et poilues. Une araignée de mer géante ! Horrifié, Aronnax recule, mais la bête, qui mesure plus d'un mètre de haut, s'avance. Oh purée ! Le professeur va finir en petit goûter ! Heureusement, Nemo assomme le monstre. La vie dans les profondeurs peut être sacrément dangereuse. Les jours suivants, le capitaine pousse les machines à plein régime. Tempête, requins féroces ou encore attaque humaine, le Nautilus résiste à tous les dangers. Un matin, alors que le sous-marin stationne quelques heures à la surface pour recharger son oxygène, Aronnax aperçoit Nemo sur le pont, l'air extrêmement contrarié, en train de scruter l'horizon à la longue vue. Sacrebleu, que se passe-t-il ? Nemo, les traits tendus, les lèvres dures comme de l'acier, montre tout à coup un nouveau visage. Le capitaine ne cherche pas seulement à fuir à la compagnie des hommes, pense Aronnax en redescendant dans sa cabine. J'ai vu s'allumer dans ses yeux la flamme de la vengeance. Voilà 3 mois que nos aventuriers sont prisonniers du capitaine Nemo. Ned Land n'en peut plus. Nous sommes en Europe. C'est le moment de prendre la poudre d'escampette. Quitter le Nautilus ? Et manquer cette unique opportunité d'étudier l'océan ? Alors ça, pas question ! C'est la nuit. Une de ces nuits noires qu'on ne peut observer. Deux scaphandres marchent dans les profondeurs. Aronnax, comme toujours, ignore où le capitaine a décidé de l'emmener. Parvenu en bas d'une énorme montagne, Nemo se met à grimper d'un pas sûr. Je connais cet endroit. Arrivé au sommet, Aronnax n'en croit pas ses yeux. Est-ce que j'aurais besoin de lunettes ? Mais non, il a bien vu. Plus bas, c'est un magnifique champ de ruines. Des palais, des colonnes, des temples et des maisons effondrées. Qu'est-ce donc que cette majestueuse cité ? Où suis-je? Où suis-je? Sentant l'agitation de son camarade, Nemo, à l'aide d'une petite pierre, trace sur un rocher noir le mot Atlantide. Aronnax sent comme un éclair illuminer l'intérieur de son crâne. L'Atlantide? La mythique cité engloutie que les humains ont cherchée en vain pendant des millénaires? Nemo l'a donc découverte? Le professeur, c'est certain, ne sera plus jamais le même. Le 14 mars, Aronnax observe ici et là des glaces flottantes. Fraises, pistaches, choco, une ou deux boules, pot ou cornet. Professeur, dis donc, vous êtes un sacré blagueur. Oh, fais ce que je peux alors. Je panique. Nemo a décidé d'aller jusqu'au pôle sud. Or, personne n'a encore réussi à l'atteindre. On est très, très, très, très mal barré. Le Nautilus navigue à la surface de l'eau. Le monde, envahi de blanc, est presque éblouissant. Plus il avance, plus les glaces sont nombreuses, grandes et compactes. Hé, hey, Conseil, vous voulez un petit whisky? Oh, zut, j'ai oublié ma bouteille. Par contre, j'ai des glaçons. Le pauvre vieux, il a vraiment besoin de décompresser. Le 17 mars, ils atteignent la banquise. Bientôt, la glace enserre le Nautilus. Coincé le sous-marin? Oh, c'est mal connaître son capitaine. Et hop, l'équipage s'enfonce sous les icebergs. Une semaine plus tard, ils atteignent le pôle sud. Waouh, quelle équipe! Le chemin du retour, ma foi, est assez chargé. Pris dans un labyrinthe glacé, le Nautilus évite le naufrage de justesse. Puis, il affronte 12 redoutables poulpes géants. L'équipage livre une bataille sans merci, à la hache ou harpon, dans laquelle, hélas, Nemo perd l'un de ses hommes. Depuis ce jour funeste, le capitaine broie du noir. Le 31 mai, parvenu au large des côtes de l'Irlande, le Nautilus se met à naviguer en décrivant d'étranges cercles, comme s'il cherchait un endroit qu'il ne trouvait pas. Le lendemain, le capitaine déboule dans la salle des machines avec un mystérieux message. C'est ici. Puis, les lumières s'éteignent et le sous-marin s'enfonce plus profondément encore, sous la mer. À travers les immenses vitres du salon, Aronnax découvre l'épave d'un navire très ancien, à moitié recouvert par la vase. Pourquoi visiter ce lugubre cimetière sous-marin? En plissant les yeux, il arrive à déchiffrer un nom presque effacé sur la coque. Le Vengeur? À ce mot, il sent un violent frisson parcourir son dos. Parvenu à la surface, Aronnax entend une violente détonation. Puis deux, puis cinq, puis dix. Nemo, les yeux brûlants de haine, livre bataille contre un imposant bateau à vapeur là, qui se rapproche. Ça y est, il nous a vraiment grillé une cartouche. Mais c'est pas vrai. D'où sort-il ce maudit bateau? D'où il sort? Ah bah, ça je l'ignore, hein. Après tout, c'est Jules Verne qui a écrit cette aventure. Toujours est-il que le capitaine, oh purée, nage en plein délire. Je suis la justice, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé a péri. Pays, femmes et enfants, tout ce que je hais se tient là, devant moi. Puis, le Nautilus s'enfonce sous les eaux. Il se prépare à attaquer par-dessous. Aronnax sent le sous-marin frémir et trembler, et dans un bruit d'enfer arrive un terrible choc. Le Nautilus vient de transpercer le navire ennemi qui coule. Quelques minutes plus tard. Après ça, le sous-marin reprend sa route en direction du nord. La pluie crache, la mer est agitée. Qu'importe, il faut s'enfuir. Ce soir, se promettent Ned Land, Conseil et Aronnax. La nuit est un pot d'encre noire. Trois ombres se faufilent sur le pont. Soudain, Ned Land, pétrifié, pointe son doigt en direction des flots. Maelstrom ! La mer, déjà mauvaise, se met à tournoyer de plus en plus vite. Elle forme un tourbillon qui se transforme en trou, puis en gouffre. Maelstrom ! C'est le nombril de l'océan. Il engloutit tout ! C'est un matin frais, qui pétille, au nord de la Norvège. Aronnax ouvre les yeux. Oh purée, je suis vivant! Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, professeur. Ned Land, Conseil! Vous avez survécu! Comment est-ce possible? Comment? Eh ben, en voilà un autre mystère. À bord du Nautilus, Pierre Aronnax, Conseil et Ned Land ont traversé toutes les mers et tous les océans du monde. Ils ont parcouru 20 000 lieues, soit deux fois la circonférence de la Terre. 20 000 lieues sous les mers. Quant à savoir ce qu'est devenu le capitaine Nemo, mystère et boule de poulpe des profondeurs. Derrière cette odyssée, il y a Juliette Proutot, Marion Lelay, Cédric Diallo, Frédéric Sigrist, Benjamin Orgeret, Jules Verne et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.